no, no, no, no. Je café mal, ouais, je veux pas qu'on finisse bête, non, non, non, non, je veux pas qu'on finisse mal, ouais, ouais. Je veux qu'elle est belle, non, non, non, non, je veux qu'elle fait mal, ouais, ouais, je veux pas qu'on finisse bête, non, non, non, non, je veux pas qu'on finisse mal, ouais, ouais. Je rentrerai aller, ouais, ouais, ils veulent nous salir, ouais, ouais, non, non. Fais tes valises, ouais, ouais, prends du ralice, ouais, ouais, non, non. En bas de mon bâtiment, toujours les mêmes têtes, toujours la même frère, ça parle toujours de la même chose. Ça rêve toujours de la même somme. Toujours les mêmes buts, toujours les mêmes buts, toujours les mêmes vrais. Ils ont toujours les mêmes vices. Moi j'ai toujours les mêmes rêves. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je te parle de ce qu'il y a dans ma tête, tu vas bugger. Qu'est-ce que tu viens me raconter ta vie? Je te montre ce que j'ai vu sur la net, tu vas bigler. Moi l'argent m'a pas aveuglé. Ça fait des gros sous pour l'avocat. Ça peut niquer sa vie sous la vodka. Mettre en scène, je suis une pute sans la vodka. Je me dis qu'elle est belle, non, non, non, non. Et je me dis qu'elle fait mal, ouais, ouais. Je veux pas qu'on finisse bête, non, non, non, non. Je veux pas qu'on finisse mal, ouais, ouais. Je rentrerai rallye, ouais, ouais. Ils veulent nous salir, ouais, ouais. Non, non. Fais tes valises, ouais, ouais. Prends du ralice, ouais, ouais. Non, non. C'est au bord de la mer que je vais t'inviter. On a trop de caractère, on va s'éviter. Crois pas que c'est chez ma mère, tu vas visiter. T'es pas encore validé. C'est le mental de mon rap dont j'ai hérité. Y'a une part de mensonge dans la vérité. Je rentre en jogging dans le VIP. Je regarde même pas le videur. Ma place elle est méritée. Moi je suis vrai, tu peux vérifier. Tire dans le temps, repose en paix. J'ai trop la dalle, j'attends pas la paix. Je pars au Panama avec tous mes gars avant qu'ils sautent la balle. Ouais, ouais. Mais tu qu'elle est belle, non, non, non, non. Je veux pas qu'on finisse bête, non, non, non, non. Je veux pas qu'on finisse mal, ouais, ouais. Mais